sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En plein massage des pieds. C'est un super prix. Oh, ça chatouille. Pendant un gommage. C'est un super prix. Ou même en vous faisant épiler. C'est vraiment un super prix. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la révolution orange de 2004. Et le 21 novembre 2013, en Ukraine, le gouvernement décide de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Cette décision ouvre une crise politique et diplomatique aux conséquences historiques. Des manifestations de grande ampleur sur la place Maïdan à Kiev, la répression dans le sang du mouvement, la destitution du président Viktor Yanukovych, la proclamation d'indépendance de la Crimée et une guerre civile entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes dans le Donbass, à l'est du pays. Voilà le tableau. 9 ans plus tôt, la plupart des acteurs de ces événements étaient déjà présents. Et les enjeux politiques, diplomatiques et historiques étaient déjà là. Les conséquences, elles, furent opposées. En novembre 2004, le candidat pro-russe Viktor Yanukovych est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle ukrainienne. Les forts soupçons de fraude poussent son rival, Viktor Yushchenko, à s'opposer au résultat. Immédiatement, un immense soulèvement populaire et citoyen surgit sur la place Maïdan avec une couleur pour symbole, la couleur orange. Pendant 2 mois, l'Ukraine, ce jeune pays peu ou mal connu à la frontière de l'Europe et de la Russie, devient l'épicentre d'un affrontement entre les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, où se mêlent enjeux politiques, économiques et historiques, et où s'affronte un peuple ukrainien divisé à la recherche de son identité. Alors, que s'est-il passé pendant ces 9 années? Quelles ont été les désillusions, les bouleversements, pour qu'en une décennie, les espoirs soulevés par la révolution orange se réaffirment? Ces questions sur l'Ukraine d'hier à aujourd'hui, nous les poserons en seconde partie d'émission à Alain Guilmol, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie. Il a été correspondant en Ukraine, il a assisté à la révolution orange. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Caroline Debray, coordination, Christophe Barrère, programmation musicale, Muriel Pérez, réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvallet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La situation est restée calme durant la soirée lorsque les sondages sortis des urnes ont donné une avance au premier tour pour Viktor Yushchenko, le candidat de l'opposition, avec selon les instituts 42 ou 45% contre 40 ou 37% à son adversaire, le premier ministre pro-russe Viktor Yanukovych. Pour l'instant, d'après la commission centrale électorale, Viktor Yanukovych, le premier ministre, obtiendrait 43% et Viktor Yushchenko, l'opposant démocrate, obtiendrait 36% et ce sur 63% des voix dépouillées. Parallèlement, l'opposition effectue un décompte inverse et affirme que Viktor Yushchenko, l'opposant, l'a emporté dès le premier tour avec plus de 50%, d'où une certaine confusion et le pouvoir qui a bloqué les accès à la commission centrale avec des services de sécurité, des blindés, des canons à eau. Le 31 octobre 2004, Ukraine. Après plusieurs semaines d'une campagne intense, on connaît les deux candidats pour le second tour de la présidentielle, Viktor Yushchenko et Viktor Yanukovych. Ils sont au coude à coude. Chacun a réuni 39% des suffrages au premier tour. Comme souvent, l'entre-deux-tours est un moment où se cristallisent les oppositions. Et en Ukraine, la confrontation entre ces deux hommes renvoie l'image d'un pays en proie de fortes divisions intérieures. On semble l'oublier parfois, ce grand et jeune pays de 48 millions d'habitants aux confins de l'Europe n'a acquis son indépendance et ses frontières d'alors qu'en 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS. La traduction même du mot « Ukraine », qui signifie « la marche, la bordure, la périphérie », illustre ce pays de l'entre-deux, de l'enjambement entre deux aires géographiques, deux zones d'influence, l'Europe et la Russie. Un tiraillement géographique, historique et culturel qui est le véritable enjeu de cette campagne présidentielle et que deux hommes incarnent. Deux hommes donc. D'un côté, Viktor Yanukovych, premier ministre sortant, âgé de 54 ans. Lui, c'est le candidat soutenu par le pouvoir, occupé depuis 10 ans par le président Léonid Kouchma. À la tête du Parti des Régions, Yanukovych, l'homme de l'Est et du Sud, ancien gouverneur de la région industrielle, ouvrière et russophone de Donetsk, le poumon économique du pays, est soutenu par l'Église orthodoxe d'Ukraine, dominante dans la région. Un homme au parcours et à la réputation trouble, passé par la casse-prison dans sa jeunesse, soutenu par les clans oligarchiques et mafieux du Donbass, soupçonné de corruption, il fait campagne pour un rapprochement de l'Ukraine avec la Russie. En face, Viktor Yushchenko. Lui, c'est d'abord un visage, celui d'un homme qui témoigne de toute la violence de cette campagne présidentielle ukrainienne. Qu'est-il arrivé en effet à cet homme de 50 ans, au physique avenant et qui aujourd'hui présente un visage cerné, vérolé, bouffi? Quelques mois plus tôt, en septembre, après un dîner avec le chef des services secrets ukrainiens, il est tombé subitement malade et a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours à Vienne. Sauvé in extremis, il réapparaît défiguré et affirme qu'on a tenté de l'empoisonner pour l'empêcher de se présenter. Car Viktor Yushchenko dérange. Celui qui fut aussi Premier ministre entre 1999 et 2001 est à la tête d'une coalition de centre-droit baptisée Notre Ukraine, principale force politique du pays depuis les législatives de 2002. Il fait campagne pour un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et surtout contre le système oligarchique et corrompu qui gangrène le pouvoir et l'économie du pays. Ancien directeur de la Banque centrale, Yushchenko est soutenu par l'Ouest et le Centre de l'Ukraine, région agricole et tertiaire, plus pauvre que le Sud et l'Est, et soutenu par l'Église gréco-catholique majoritaire dans cette région. C'est ainsi que se présente ce second tour de l'élection présidentielle ukrainienne. Les mesures économiques, sociales, politiques passent à l'arrière-plan. Le suffrage est d'emblée présenté comme un choix entre deux visions, deux orientations antagonistes pour un même peuple. Enjeu qui dépasse largement la simple Ukraine, si bien que le dimanche 21 octobre 2004, jour du second tour, c'est toute une partie du monde qui a les yeux rivés sur le scrutin. Les premiers résultats des sondages sortis des urnes viennent de tomber à l'instant et ils donnent la victoire au candidat de l'opposition, Viktor Yushchenko, avec 49,5% des voix contre 46,3% au Premier ministre sortant Viktor Yanukovych. Méfiance cependant, aucun de ces sondages n'était juste après le premier tour et la Commission centrale électorale avait mis 10 jours pour rendre officiels les résultats du premier tour. La population est descendue en masse dans les rues. Ils appellent cela une ronde de nuit électorale. C'est le nom donné par les jeunes opposants du mouvement Pora, il est temps en ukrainien, qui veulent ainsi dire au pouvoir qu'ils ne se laisseront pas impressionner par les fraudes. Au soir du dimanche 21 novembre 2004, avec un faible taux de participation, autour de 55%, les résultats du second tour de la présidentielle ukrainienne tournent à la confusion. Les sondages, à la sortie des urnes, donnent la victoire à Viktor Yushchenko. Pourtant, dans la nuit, la commission électorale centrale annonce la victoire de Viktor Yanukovych avec près de 3% d'avance. Dès l'annonce de ces résultats, l'opposition dénonce les fraudes qui entachent le scrutin. Il semblerait qu'elles aient battu tous les records pour ce second tour. Il faut dire que la loi électorale ukrainienne permet certaines dispositions à même de créer le trouble. Ainsi, les Ukrainiens peuvent voter en dehors de leur circonscription. On voit donc des centaines de bus venus de l'Est déplaçant des électeurs de bureau de vote en bureau de vote. Les personnes âgées ou malades ont le droit de voter à domicile, sans surveillance spécifique. Et dans les régions de Donetsk et de Lugansk, à l'Est, le taux de participation est de 98%, soit 21% de plus qu'au premier tour. Pour l'opposition, c'est clair, la fraude a permis au candidat du pouvoir, Yanukovych, de réunir 3 à 4 millions de voix supplémentaires. De quoi le faire passer en tête. Dans chaque camp, on s'est préparé d'ailleurs à cette éventualité. Du côté du pouvoir, que ce soit le président Kouchma ou son premier ministre candidat, on prépare depuis des semaines les forces de l'ordre à de possibles manifestations. En face, dans l'opposition, on savait que le résultat serait tronqué et que la seule manière de les contester passerait par une importante mobilisation dans la rue. Alors, ce 21 novembre 2004, à l'annonce des résultats, Viktor Yushchenko prend la parole et lance un appel. Les gens arrivent. Mes amis, je veux vous dire que chaque jour, il y aura encore plus de monde sur cette place. Demain, nous organiserons une grande manifestation dans toute la ville de Kiev. réponse à l'appel de Yushchenko, ils sont près de 100 000 Ukrainiens affluent dans les rues de Kiev, la capitale, en direction de Maïdan, la place de l'indépendance. L'opposition se mobilise et brandit ses premiers symboles, la couleur orange, celle de la coalition Notre Ukraine, et un slogan TAC qui veut dire « oui ». On installe une scène à la hâte où se relaient groupes de rock et discours des leaders, au premier rang desquels le candidat Yushchenko, suivi d'Yulia Tymoshenko, 44 ans, ancienne dirigeante d'une société de gaz et adversaire indéfectible du président Kouchma. Elle représente l'aile radicale de l'opposition et s'impose rapidement comme l'égérie du mouvement. Ce lundi 22 novembre 2004, l'Ukraine assiste tout simplement au plus grand rassemblement de sa courte histoire. Qui compose cette foule? Eh bien des jeunes, des retraités, des fonctionnaires ou des petits entrepreneurs. Une foule hétéroclite socialement, mais unie culturellement et surtout politiquement. Et autour de deux objectifs. D'abord, faire barrage à un pouvoir autoritaire et corrompu, soumis à la loi des clans oligarchiques soutenus par la Russie de Vladimir Poutine. Ensuite, promouvoir l'ouverture vers l'Europe que défend Yushchenko. Ainsi, le moteur du mouvement, c'est une génération qui n'a pas connu l'ère soviétique et qui se rallie non pas derrière un homme, mais pour des principes et une aspiration. Dès les premières heures de la mobilisation, on voit arriver sur la place de l'indépendance les jeunes étudiants du mouvement Pora. Ils installent les premières tentes sur le boulevard Kretchatik qui mène à la place. Premier signe d'une opposition préparée et mobilisée, prête à faire durer son combat. Et pour cause, le mouvement Pora se prépare depuis plusieurs années à cette échéance. Il a déjà éprouvé cette forme de lutte en 2001. Cette année-là, un journaliste opposé au régime avait été retrouvé décapité. La publication d'enregistrement quelques semaines après la découverte du corps mettait en cause le président sortant Kouchma. Pendant plusieurs mois, les jeunes étudiants avaient manifesté sur la place de l'indépendance pour réclamer sa démission, sans succès, si ce n'est d'avoir fait l'expérience de la mobilisation. Et à Maïdan, les premières voix qu'on entend sont celles de ces jeunes, précisément ces jeunes, unis contre le pouvoir en place. Dans notre pays, chacun est confronté à la corruption. Nous, les étudiants, on la vit à l'université, mais elle touche aussi les autorités et les tribunaux. Je crois que c'est trop tard pour eux pour entreprendre quelque chose de ce genre. Le peuple a le pouvoir maintenant. Je dois vous dire que c'est la première fois depuis plusieurs années que le peuple s'est levé tellement massivement. Et si tout le monde va dans la même direction, je suis convaincue qu'on saura arrêter cette personne et défendre notre choix, le choix libre des gens aux élections présidentielles. Une fraude électorale est attendue, massive, un soulèvement préparé mais à l'ampleur inattendue. Ces deux ingrédients provoquent le blocage politique du pays et ouvrent une voie à Viktor Yushchenko et au mouvement Notre Ukraine pour renverser le pouvoir en place. Ce même lundi 22 novembre 2004, Yushchenko reçoit des soutiens de poids. D'abord, celui de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération d'Europe, l'OSCE, qui déclare avoir relevé de multiples fraudes qui rendent caduques les résultats. Ensuite, les conseils municipaux des principales villes de l'Ouest et du Centre, notamment Lviv et Ternopil, votent leur soutien aux candidats de l'opposition. Enfin, 150 diplomates ukrainiens signent une lettre commune dans laquelle ils valident l'élection de Viktor Yushchenko comme président. Mais de son côté, et malgré la démonstration de force du mouvement orange dans la rue, le Premier ministre déclaré officiellement vainqueur, Yanukovych, se contente d'une courte déclaration. Je me démarque catégoriquement de ces politiciens qui appellent le peuple à ériger des barricades. C'est un petit groupe de radicaux qui ont pour seul but de diviser l'Ukraine en exerçant des pressions violentes et en menant des actions illégales. Du côté du pouvoir sortant, on adopte une stratégie, elle tient en un mot, l'usure. Viktor Yanukovych se réfugie derrière sa victoire et commence par nier le mouvement de la rue. Surtout, et c'est un élément central, il est un premier ministre toujours en exercice et il a le soutien du président sortant Kouchma. Il conserve ainsi le contrôle sur les administrations, mais aussi sur les médias qui, au lieu de parler du mouvement d'opposition, diffusent des films ou des émissions de variété. Si par moment la couleur orange s'invite sur le petit écran, c'est pour signaler aux juste quelques centaines de protestataires. Sur le plan politique et international, le vainqueur proclamé Yanukovych peut compter sur des soutiens de poids. Avant même l'annonce des résultats définitifs, le président russe Vladimir Poutine a salué sa victoire. À l'est du pays, notamment dans la région de Donetsk, ses supporters sortent aussi dans la rue pour le soutenir. Le 23 novembre, deux jours après le second tour, les élus pro-Kouchma qui soutiennent Yanukovych, bien sûr, désertent le Parlement pour s'opposer aux contestations des députés pro-Yushchenko. D'ailleurs, ce jour-là, le leader de l'opposition décide de franchir un pas. Viktor Yushchenko a franchi le Rubicon. Une main sur la Bible, il a prêté serment en tant que président devant le Parlement ukrainien. Le candidat de l'opposition a donc décidé de passer outre sa défaite officielle. Les 191 députés qui l'ont soutenu et proclamé chef de l'État n'étaient pas suffisamment nombreux pour atteindre le quorum nécessaire au vote d'une résolution. Mais ce soir, le président du Parlement, fidèle au pouvoir pro-russe, a dénié toute valeur à cette prestation de serment. Il a reçu en cela le soutien de Vladimir Poutine. Le président russe, en visite au Portugal, a jugé inadmissible les réserves de l'Union européenne et de l'OSCE à propos des élections en Ukraine. L'Ukraine est un grand État doté d'un système légal développé, un État qui n'a pas de leçons à recevoir, il pourrait même en donner. Pendant que Viktor Yushchenko s'est fait proclamer président, Yulia Tymoshenko, leader radical du mouvement Orange, conduit une marche vers l'administration présidentielle. Le mouvement entre alors dans une nouvelle phase et durcit son opposition. La mobilisation, malgré les jours qui passent et le froid terrible de la capitale ukrainienne, ne faiblit pas. Au contraire, chaque jour, ce sont des bus entiers, des voitures bondées qui déposent des milliers de provinciaux dans les rues de Kiev venus rejoindre la Révolution Orange. La chaîne Canal 5, financée par un député et homme d'affaires soutien de Yushchenko, est la seule à diffuser la réalité du mouvement en cours. Ainsi, des milliers d'Ukrainiens peuvent suivre l'opposition en direct. Une révolution orange qui, après avoir brandi ses symboles, bâtit ses rites. Chaque soir, les discours et les concerts s'enchaînent. Chaque jour, des marches sont organisées pour bloquer les administrations, lieux symboliques du pouvoir, que contrôle encore l'équipe en place sous la houlette de Yanukovych, le Premier ministre. Pourtant, le 24 novembre... L'Ukraine est au bord d'une guerre civile. A-t-il la volonté de dramatiser les choses ou bien voit-il juste? Ce sont en tout cas les propos de Viktor Yushchenko lancés hier sur la place de l'indépendance à Kiev, au milieu des flocons et devant plus de 100 000 manifestants. Juste avant, la victoire du Premier ministre pro-russe, Viktor Yanukovych, avait été officiellement proclamée par la commission électorale. Le bras de fer se durcit donc, c'est un euphémisme. Viktor Yushchenko a appelé hier soir à la grève générale, grève politique nationale a-t-il dit. Il faut recourir à tous les moyens pour contester la victoire officielle, bloquer les aéroports, les voies ferrées, les routes et en même temps saisir la Cour suprême. On en est donc là, quatre jours après les élections. L'Ukraine a trois présidents. Un sortant, toujours en place, Kouchma, un vainqueur controversé, Yanukovych, et un perdant autoproclamé, Yushchenko. Vladimir Poutine a apporté son soutien au second. Il fut un temps où cela aurait suffi, mais aujourd'hui, la dynamique est tout autre. La révolution en marche le sait, elle peut et doit compter sur l'appui des pays occidentaux, les États-Unis et surtout l'Union européenne. L'Ukraine, coupée en deux, est sur un point de bascule. D'un moment à l'autre, la crise politique peut se transformer en affrontement violent entre pro-russes et pro-européens. Alors, la révolution orange va-t-elle réussir à tenir sa mobilisation et surtout à la garder pacifique? Le pouvoir va-t-il céder aux sirènes de la répression et répondre par les armes? En cette fin d'automne 2004, tous le sentent. En Ukraine, c'est une partie du monde qui est à un tournant. From your store front. Derrière les sourires de façade, un petit parfum de guerre froide. Côte à côte pour la photo souvenir, mais en opposition totale sur l'Ukraine, José Manuel Durão Barroso, le nouveau président de la Commission européenne, et Vladimir Poutine, le président russe, se rencontrent pour la première fois. Pour l'Europe des 25, pas question de reconnaître le résultat des élections ukrainiennes. Il va falloir ouvrir une enquête pour instruire toutes les plaintes pour fraude. Les élections n'ont pas respecté les normes internationales et donc l'Union européenne ne peut les accepter. Pour Vladimir Poutine, au contraire, remettre en cause le résultat des élections, c'est fragiliser l'Ukraine. Nous n'avons pas le droit moral de pousser un État européen important vers des désordres de masse. Ce n'est pas en provoquant des désordres dans la rue que l'on règle ce genre de problème. Hasard historique ou coïncidence diplomatique, le sort a voulu que le 25 novembre 2004, soit quelques jours seulement après le second tour de la présidentielle ukrainienne, se tienne le sommet entre l'Union européenne et la Russie, à La Haye. Ce sommet devient le théâtre de l'opposition internationale autour du dossier ukrainien. Une pièce à trois acteurs. Le premier, c'est évidemment Vladimir Poutine qui a fait de Yanukovych son candidat. Pour la Russie, l'enjeu est de taille. Année après année, elle voit fondre sa zone d'influence. Et à bien y regarder, la majeure partie des pays d'Europe centrale et de l'Est, qui appartenaient au pacte de Varsovie, est désormais membre de l'OTAN. Alors, après la Géorgie en 2003, Poutine ne peut pas laisser l'Ukraine se tourner vers l'Europe. D'ailleurs, il semblerait bien que le Kremlin n'a pas hésité à débourser plusieurs centaines de millions de dollars pour soutenir la campagne de Viktor Yanukovych. Surtout, Poutine dénonce le rôle des États-Unis dans la Révolution Orange. En face, effectivement, les Américains ont depuis plusieurs années identifié l'Ukraine comme pays pivot pour contrer les ambitions russes. Mais le soutien américain se fait plus discret. Il passe par des fondations et des aides financières apportées aux forces d'opposition. On pense notamment à The Open Society, du milliardaire George Soros, américain d'origine hongroise, et financier de nombreux mouvements d'opposition dans les pays de l'Est. Poutine, Kouchma et Yanukovych dénoncent chacun leur tour un complot, expliquent que la révolution orange a été préparée et financée par les États-Unis. Pourtant, si l'influence américaine a pu jouer, cela ne suffit pas à expliquer l'ampleur de la révolution orange. Et puis, au milieu des deux puissances, il y a l'Union européenne qui, sous la pression des pays d'Europe centrale intégrés récemment, comme la Pologne, inquiète de la pression russe, décide de soutenir le mouvement d'opposition. La France, elle, par la voix de Jacques Chirac, tarde à prendre position. Le président français attend plusieurs jours pour se prononcer, sans trop s'avancer d'ailleurs. Un des grands avantages de la démocratie, c'est de permettre à chacun de s'exprimer. Mais à condition qu'on joue tout à fait le jeu. Or, ça n'a pas été le cas, à votre avis ? Je n'ai pas de jugement personnel, je n'ai pas été sur place. Mais enfin, je vois que tous les experts de bonne foi, et notamment ceux de l'Union européenne, ont affirmé que la règle du jeu n'avait pas été observée. Autrement dit, que les élections n'étaient pas tout à fait nettes. Et c'est très dangereux de jouer à ce petit jeu. Retour à Kiev. Après 4 jours de mobilisation, au sein de l'opposition, on est à un tournant. Viktor Yushchenko, le candidat et leader de la Révolution Orange, qui veut à tout prix tenir sa logique pacifiste et légaliste, le sait. Yanukovych a aussi ses soutiens, à l'est et au sud du pays, mais également à Kiev, où des bus entiers aux couleurs bleues du candidat pro-russe ont transporté de nombreux partisans. Le pays reste profondément divisé et le risque de guerre civile est de plus en plus grand. Il faut donc à tout prix passer par les institutions judiciaires et politiques pour éviter le conflit. D'ailleurs, dès le 25 novembre, les juges de la Cour suprême bloquent la publication des résultats officiels et acceptent d'examiner les plaintes pour fraude déposées par l'opposition. Dans le même temps, après une grève des journalistes dans les principales chaînes du pays, le pouvoir en place, autrement dit Kouchma et Yanukovych, lâche du lest. La télé parle enfin de la révolution orange. Et puis la pression de l'Union européenne ouvre la voie à une négociation avec pour médiateur le président polonais Aleksander Kwasniewski. Ce dernier réunit Yanukovych et Yushchenko autour de la table. Au cours de l'entrevue, Yanukovych reconnaît l'existence de fraude, même s'il se défend d'en être responsable. C'est désormais évident, il faut penser à organiser un nouveau scrutin en lieu et place de celui qui cause tant de troubles. Yushchenko, le leader de l'opposition, refuse de rejouer les deux tours. L'idée germe alors de refaire uniquement le second tour. Pendant ce temps, dans la rue, la pression est forte. Le samedi 27 novembre, la place de l'Indépendance et la Révolution Orange atteignent leur pic avec plus de 500 000 personnes. Mais à l'est du pays, pro-russe et soutien de Yanukovych, la menace de sécession est elle aussi de plus en plus proche. Le président de l'Ukraine est le garant de la Constitution et donc de l'intégrité du pays. Leonid Kouchma, le président ukrainien, a donc réuni aujourd'hui une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale pour éviter un effondrement de l'État. Pourtant, dans le même temps, son premier ministre, qui l'a soutenu durant la campagne électorale, était à Severodonetsk, dans l'est du pays, pour un grand meeting avec des responsables des régions russophones, est et sud de l'Ukraine, en compagnie de dirigeants russes. À l'ordre du jour, la possibilité d'organiser un référendum pour créer un territoire autonome russophone en Ukraine. Tout va s'effondrer rapidement, a menacé Viktor Yanukovych. Si l'État ne stabilise pas rapidement la situation, nous aurons recours au référendum. Viktor Yushchenko, l'opposant, a répliqué en dénonçant vivement cette tentative de couper l'Ukraine en deux. Le pouvoir a perdu et joue la carte dangereuse du séparatisme, a-t-il clamé devant la foule, place de l'Indépendance. Pour le pouvoir en place, le 28 novembre est aussi un moment critique. Yanukovych donne l'ordre aux forces spéciales de police d'intervenir. Dans les casernes, on se prépare. Mais au dernier moment, après l'intervention de la diplomatie américaine, les soldats font demi-tour. La révolution orange échappe de peu à une répression sanglante. Il semblerait que le pouvoir ait pris conscience, sous la pression internationale, du risque et des conséquences diplomatiques et historiques de cette intervention. Pour tous les acteurs, il faut absolument préserver l'unité de l'Ukraine. Ainsi, Yanukovych paraît de plus en plus affaibli. Son directeur de campagne, véritable architecte de sa candidature, démissionne. Et face aux risques séparatistes, Kouchma, le président, se détache aussi de lui. Il faut trouver une solution à la crise par la négociation. Et finalement, le 1er décembre... Seule l'agence russe Interfax a publié l'information, mais elle est relativement crédible. La télévision ukrainienne a diffusé ce soir des images de Leonid Kouchma, le président de l'Ukraine, tourné aujourd'hui lors d'une réunion avec des membres du gouvernement. Kouchma y apparaît épuisé, hébété même, multipliant les soupirs profonds, les silences qui en disent long sur son abattement et surtout son impuissance. L'opposition, elle, continue de mobiliser les rues et les places de la capitale. Devant des dizaines de milliers de ses partisans ce soir, le candidat de cette opposition, Viktor Yushchenko, a annoncé qu'il demanderait demain au Parlement de prononcer la démission de son adversaire et toujours Premier ministre en titre, Viktor Yanukovych. Une nouveauté de taille tout de même lors de ce meeting monstre qui se poursuit à l'heure actuelle. Yushchenko est apparu à la tribune avec des militaires à ses côtés, dont 2 généraux et 1 général d'armée. La foule a alors scandé « L'armée avec le peuple ». Début décembre 2004, tout s'accélère. Le 2, le Parlement vote la défiance contre le Premier ministre Yanukovych. Le lendemain, la Cour suprême rend sa décision. Elle retient la synthèse proposée par l'Union européenne et demande un nouveau second tour dans les 3 semaines. Mais cette décision ne va pas sans concession pour Yushchenko et le mouvement Orange. Elle implique effectivement une réforme constitutionnelle. En échange de ce nouveau suffrage, deux modifications de la Constitution sont négociées. Pour Yushchenko et l'opposition, c'était une condition essentielle. Alors, on change la composition de la commission des élections et des amendements à la loi électorale sont adoptés afin d'éviter que les fraudes ne se répètent. En face, Kouchma parvient à rendre obligatoire une réforme constitutionnelle à voter d'ici un an qui limitera le pouvoir du président. Et la campagne reprend pour 3 semaines. Face à un Yanukovych en bout de course, Yushchenko s'avance comme le grand favori. Il veut incarner l'unité nationale ukrainienne face aux périls séparatistes brandis par Yanukovych. Le 11 décembre, un nouvel examen médical confirme qu'il a bien été victime d'un empoisonnement à la dioxine, ce qui renforce sa popularité à Yushchenko et met en lumière les pratiques du pouvoir sortant. Pendant ce temps, même si la place de l'indépendance est un peu vidée, le mouvement orange, lui, est encore là, jusqu'à l'élection pour maintenir la pression et s'assurer la victoire. Le 26 décembre 2004, après 2 mois de lutte pacifique et citoyenne, les résultats du nouveau suffrage tombent. On n'en doutait jamais ! Yushchenko, notre président ! Notre président ! Il est 2h30 du matin sur la place de l'indépendance à Kiev quand le candidat Yushchenko revendique enfin la victoire. Chers amis, je vous félicite à l'occasion de grandes victoires. La fête de la démocratie ukrainienne. On va laisser le pouvoir criminel, les mensonges, les tortures. Le champion de la Révolution Orange a rendu hommage à tous ceux qui ont tenu 4 semaines autour des bras zéros dans un village de toile pour permettre ce tournant historique. À ses côtés figure l'égérie du mouvement, Yulia Tymoshenko, surnommée la princesse du gaz, peut-être son futur premier ministre. Un grand drapeau européen flotte au milieu des bannières orangées. Yushchenko précise, nous ne devons dépendre ni de l'Europe, ni de la Russie, ni de la Pologne, ni des États-Unis, mais de nous-mêmes. L'hymne national conclut des vœux quasi présidentiels. Nous étions indépendants mais pas libres. Nous allons vivre dans un pays prospère et démocratique. Au cours de cet automne 2004, la Révolution orange a exprimé les aspirations de tout un peuple pour la démocratie, pour l'ouverture, en même temps qu'elle a donné à voir les tensions et les divisions qui composent ce jeune pays. Des coulisses diplomatiques au mouvement de rue démocratique, pendant plusieurs semaines, nous avons assisté à un moment de l'histoire d'une nation en train de s'écrire. L'équilibre trouvé était fragile et la réplique n'en fut que plus terrible 9 ans plus tard, sur cette même place de l'indépendance, lorsqu'une partie des Ukrainiens sont revenus à Maïdan pour défendre leur désir de se tourner vers l'Europe. Mais cette fois, les sourires de la victoire ont laissé place aux larmes de la répression. Grey hoodies, they cover their heads. I can't see their faces, can't see. And they knew me, looks well my hair. My heart was something jumping. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la révolution orange. Notre invité, Alain Guilmol, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien La Croix, que vous êtes un spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie. Vous avez été correspondant en Ukraine. Vous êtes auteur du livre « Même la neige était orange » aux éditions Les Petits Matins. Et vous étiez à Maïdan au moment de cette histoire que nous avons racontée. Quels souvenirs vous en gardez parmi tous les souvenirs, j'imagine? Est-ce qu'il y a certaines scènes, certains moments qui vous ont marqué et qui ont marqué finalement ce mouvement-là? Oui, oui, c'était un moment très, très frappant, très étonnant pour tous ceux qui avaient connu l'Ukraine avant, comme c'était mon cas, puisque je n'ai pas commencé à découvrir ce pays au moment de la Révolution. J'y avais vécu quelques années auparavant et on avait l'impression d'être dans un pays un peu post-soviétique où la population était amorphe, n'exprimait pas vraiment de volonté politique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, on se demandait un peu quelle était l'identité de cette Ukraine qui était un peu suspendue entre son passé soviétique et puis un avenir assez incertain. Et puis tout d'un coup, on voit une population qui exprime très fortement une volonté. On voit des milliers d'Ukrainiens, ce qui était complètement inédit dans la jeune histoire de cette Ukraine, converger vers le Maïdan, venir affirmer qu'ils voulaient se soulever contre les fraudes électorales. C'était ça le déclenchement de ce mouvement. Et puis plus généralement contre la corruption, et donc ils étaient en demande d'un état de droit et finalement d'une Ukraine qui ressemble un peu au modèle européen, c'est-à-dire et d'où les slogans en faveur de l'Europe qui ont commencé à naître dans ces mouvements-là. Alors c'est vrai que peut-être à cette époque-là, on a pu avoir l'impression que c'était une sorte de mai 68 ukrainien, enfin de par cette espèce de fusion que les gens avaient sur la place du Maïdan en plein hiver, comme ça, se mobiliser, rester debout jour et nuit pour demander l'état de droit, la démocratie, et tout d'un coup, la solidarité qui s'exprimait entre les gens, spontanément les gens de Kiev qui venaient apporter de la nourriture, des vêtements chauds, des médecins qui venaient pour soigner les gens qui étaient malades, des gens qui venaient aussi offrir leur logement pour que les gens qui manifestaient puissent prendre un peu de repos. Enfin, il y avait comme ça, tout d'un coup, chez une population où chacun vivait dans une sorte d'individualisme, tout d'un coup, il y avait un projet collectif. Et ça, c'était vraiment très étonnant parce que c'était inédit à l'époque. Dans un pays qui, rappelons-le, était parmi les républiques les plus fortes de l'URSS. Bon, il y avait la Russie, bien sûr, peut-être la Géorgie, peut-être la Biélorussie, mais surtout l'Ukraine, c'était vraiment une république assez puissante. C'était une république très importante, très peut-être la plus proche de la Russie en termes de richesse. D'abord, c'était la plus grosse population derrière la Russie, c'était la plus peuplée. Et puis c'était celle qui abritait un certain nombre d'usines très importantes, très liées au complexe militaro-industriel soviétique. Et donc c'était celle que la Russie avait fait le plus d'efforts pour assimiler en quelque sorte et faire disparaître tous les particularismes ukrainiens. Et donc voilà, quand vous avez dit tout à l'heure, en 1991, après l'indépendance, on savait pas bien qu'est-ce qu'était l'Ukraine. Ouais. C'était ça, c'était l'effet de cette politique d'assimilation soviétique. Et puis on a vu, au bout de 15 ans d'indépendance, que quand même il y a un particularisme ukrainien, une identité ukrainienne qui s'est réveillée au fil des années, qui s'est exprimée de plus en plus fort, d'autant plus que maintenant il y a toute une génération qui est née après l'indépendance et qui a grandi. Et c'était celle-là qui était sur le Maïdan bien sûr. En 2004, au moment de la première révolution orange. Et d'ailleurs, on voit que le mouvement de ces personnes que vous venez de définir était très préparé, comme si le moment de l'élection présidentielle avait été identifié par l'opposition, par ces jeunes gens, jeunes ou moins jeunes, enfin par les opposants, comme le grand rendez-vous. Et puis, il y a le mouvement de jeunes Pora, on en a parlé, en Ukraine, qui a été en contact avec le mouvement des jeunes géorgiens, qui était à l'origine de la mobilisation qui a renversé le pouvoir dans ce pays, à Tbilissi en 2003. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu contagion d'un pays à l'autre? Ce sont des pays voisins, hein. Oui, clairement. Enfin, moi, j'ai bien connu les gens de Pora. Et effectivement, c'était des jeunes gens, des jeunes intellectuels ukrainiens qui avaient l'espoir d'accélérer en fait les changements dans leur pays. Eux, ils avaient déjà l'idée d'une Ukraine qui pourrait un jour ressembler à la Pologne et qui pourrait voilà s'émanciper et se développer, devenir prospère. Et donc, ils voulaient accélérer les changements. Et très clairement, ils avaient vu comment d'abord les Serbes avaient fait contre Milosevic en Serbie, puisqu'il y avait eu le renversement de Milosevic par le mouvement qui s'appelait Otpor à l'époque. Et ça avait tout de suite donné des idées d'abord aux Géorgiens et puis aux Ukrainiens, certains ont même fait un voyage en Serbie pour aller rencontrer les gens d'Otpor, essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient. Et très clairement, enfin eux, je me souviens de Pora, ils avaient pris comme emblème une image de Che Guevara, vêtu d'une chemise ukrainienne. C'était pour dire, bon ben voilà, nous aussi, on va faire la révolution, voilà, mais une révolution qui sera une révolution patriotique, on peut dire, et à la fois démocratique et patriotique. Et c'était un peu leur agenda, effectivement, oui, ils avaient cette idée très clairement. Pora, ça veut dire il est temps, c'est une variante ukrainienne du changement, c'est maintenant, si j'ose dire. C'est ça, il est temps, il est temps de changer. Oui, c'est ça, il est temps, il est l'heure. Alors, sur la question de la préparation, alors on a parlé, donc les opposants à l'opposition, donc les gens au pouvoir, on parlait de complots fomentés par les USA. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des financements, une influence américaine sur la mobilisation. Enfin, c'est quand même une manière de nier le mouvement Orange, de nier le travail de l'opposition, puis des ONG ukrainiennes. C'est un déni de réalité, c'est une manœuvre, ça, non ? Oui, je crois que c'est un peu c'est les deux, quoi. C'est un peu du complotisme, c'est-à-dire que comme on n'a pas bien compris quelquefois vu de l'extérieur ce qui se passait en Ukraine, puisque c'était totalement inattendu et inédit, bon, on a eu recours quelquefois à des explications un peu simplistes et on a dit ah bah voilà, c'est les Américains qui ont tout organisé. Bon, en fait, les gens qui avaient connu ce pays avant et ont vu monter ce mouvement petit à petit et donc avaient bien conscience qu'il y avait une partie de la population ukrainienne qui voulait accélérer les changements et qui voulait être moteur d'un mouvement politique accélérant l'histoire. Alors, c'est vrai qu'on peut pas nier que les Américains, les États-Unis sont une grande puissance, qui ont un agenda propre. Ils veulent faire basculer la plupart des pays du monde vers leur modèle. Et donc, ils ont, à l'époque, c'était l'Amérique de Bill Clinton. Ils regardaient tous les changements en Europe centrale avec beaucoup de sympathie, d'intérêt. Et évidemment, beaucoup de financements sont allés vers la société civile, vers les étudiants en particulier. Il y avait beaucoup d'étudiants ukrainiens qui recevaient des bourses pour aller étudier aux États-Unis, parce que les États-Unis avaient cette idée qu'il fallait gagner le cœur des Ukrainiens à leur modèle et préparer une future élite qui aurait un regard sympathique sur les États-Unis. Et surtout, parce que c'est une considération géopolitique, hein, surtout à cet endroit-là, quoi, au port de la Russie. C'est... À cet endroit-là, mais pas que, puisque les jeunes Polonais bénéficiaient des mêmes avantages, les jeunes Hongrois, etc. Enfin, il y avait cette politique américaine, mais qui ne concernait pas d'ailleurs que l'Europe centrale, hein, qui vise le monde entier, on peut dire, puisque oui, c'est un pays qui a des moyens considérables, et donc il y a les moyens d'essayer de gagner les cœurs comme ça, en invitant des étudiants, en invitant des ONG, en finançant des ONG. De là à dire qu'ils ont organisé la révolution, là, on tombe dans le complotisme le plus pur, à mon avis. Qui sont ces gens, Kouchma Yanukovych ? C'est quoi leur idéologie ? Alors, je crois que c'est surtout des gens qui étaient animés par une grande ambition personnelle et qui voulaient rester au pouvoir. Enfin, Yanukovych, c'est l'avidité, hein. C'est ça qui frappe beaucoup chez lui. On l'a vu après. Voilà, c'est quelqu'un qui était animé par un sentiment de revanche personnelle, parce que il a grandi dans la pauvreté, il a connu même, on peut dire, la misère, une enfance misérable dans le bassin minier de l'Est ukrainien. Et à partir du moment où il a pu, il s'est lancé dans une ascension politique qui visait surtout à détourner des fonds d'une manière massive, enfin, à devenir un des hommes les plus riches du pays, si ce n'est le plus riche. Concernant la préparation et les causes aussi de ce mouvement d'opposition, donc qui sont politiques, on l'a vu, mais il n'y a pas que ça. L'assassinat du journaliste, là, retrouvé mort parce qu'il avait, j'imagine, osé écrire contre le pouvoir ou agir contre le pouvoir, ça a joué ça dans la cristallisation du mouvement. Oui, c'était très important. Ça s'est déroulé en 2000, hein, donc 2-3 ans. 3 ans, même 4 ans avant la révolution. Et c'est vrai que ça a été très important parce que c'est le moment où tout d'un coup, on peut dire la presse indépendante s'est érigée en une forme de contre-pouvoir. Puisque le mouvement est d'abord parti des journalistes qui ont commencé à dire « ça suffit, enfin ça c'est intolérable ». Il faut dire que l'Ukraine est une république plutôt... Les Ukrainiens sont des gens très pacifiques, assez doux hein, de caractère, peut-être à la différence des Russes, ce qui les rend assez différents. Et donc le sang n'avait jamais coulé en Ukraine, il n'y avait pas eu de c'était la première fois qu'il y avait un assassinat politique d'une manière comme ça aussi évidente. Et ça a choqué au sein de l'élite ukrainienne même, et donc ça a entraîné une réaction très forte contre le pouvoir, où tout d'un coup, les gens ont commencé à manifester. Et c'est vrai que ça a été le début de la montée des manifestations qui ont conduit, plusieurs années après, à la révolution. Alors c'est quoi cette histoire d'empoisonnement de Yushchenko, qui a porté sur le visage, hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoutez, on sait toujours pas. Malheureusement, c'est une grande frustration. C'est vrai que ça, c'est une des grandes frustrations que j'ai de voir que cette affaire, autant l'affaire Yushchenko, l'affaire du journaliste qu'on évoquait, Gongadze, tout à l'heure, a été éclaircie. Et ça, c'est quand même un très grand progrès. On a su que c'était des policiers qui l'avaient enlevé, qui l'avaient décapité, etc. Les coupables ont été condamnés, mis en prison. Mm-hmm. Par contre, l'autre grande affaire, on peut dire, qui a marqué la révolution, c'est cet empoisonnement. Eh bien, on ne sait toujours pas. Et ma frustration vient surtout du fait que finalement le pouvoir issu de cette révolution n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour éclaircir les choses. Pourquoi ? Et alors, c'est la question. Alors, est-ce que il a eu peur de la vérité ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on s'est dit aller au bout de cette affaire, ça reviendrait à mettre en cause peut-être des gens qui sont situés dans un grand pays voisin, et ça pouvait mener à une confrontation beaucoup plus nette et beaucoup plus forte et beaucoup plus dure. On s'est dit peut-être à un moment donné qu'il valait mieux ne pas savoir. Et pourtant, je me souviens d'avoir interrogé le président Yushchenko à ce sujet, parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer à peu près 2 ans après la révolution orange. Et on a passé une heure ensemble, et au cours de cette heure-là, il ne m'a parlé quasiment que de son animosité contre le premier ministre de l'époque, Yulia Tymoshenko. C'était les deux figures issues de la révolution qui se partageaient le pouvoir. Mm-hmm. Lui était président, elle était premier ministre. Et en fait, il se livrait une guerre de pouvoir, et finalement il était obsédé par ça, il y avait que ça qui l'intéressait, et je lui ai posé une question sur son empoisonnement. Ouais, et il a dit quoi ? Mais il a dit qu'il voulait savoir, qu'il demandait tous les jours au juge de lui dire et de les avancer de l'enquête, etc. Mais au fond, on sentait bien que ça l'intéressait beaucoup moins que sa lutte contre le premier ministre de l'époque. Alors, dernière chose sur cette révolution, après on passera à ce qui s'est passé après. L'Europe, le rôle de l'Europe dans cette affaire-là. Est-ce qu'il a été efficace ? Bon, il était clair, mais est-ce qu'il était efficace finalement ? On peut dire qu'il a été efficace, puisque la révolution orange s'est terminée sans un coup de feu et d'une manière pacifique, et s'est dénouée par un vote, et donc d'une manière très paisible, ce qui était assez étonnant compte tenu déjà des tensions qui quand même étaient perceptibles, parce que derrière l'image de cette population, ce barnum joyeux qu'il y avait sur la place de l'indépendance, il y avait quand même des tensions assez fortes qui commençaient déjà à se manifester, et donc ça a marché, et si ça s'est dénoué sans vrai drame. Et si ça a été possible, je crois que c'est d'abord parce que la Russie de Poutine, à l'époque, on était en 2004, et Poutine n'était que depuis 4 ans au pouvoir, et donc on peut dire, tout ce travail qu'a fait Poutine de reconstituer une Russie forte et impériale, on peut dire, n'avait pas encore été menée à bien, c'est-à-dire que la Russie était encore un État assez faible. Et puis, d'autre part, on peut dire si l'Europe a joué un rôle positif, c'est peut-être parce que c'était une Europe élargie, c'est-à-dire c'était une Europe qui... Élargie à d'anciens pays de l'Est. À d'anciens pays de l'Est, avait incorporé la Pologne, et notamment, et les pays d'Europe centrale, qui eux avaient une sensibilité, une compréhension, et qui ont joué un rôle positif. C'est d'ailleurs l'ancien président polonais qui a été médiateur dans la crise. Oui, on l'a dit effectivement, on l'a rappelé dans le récit. Rapidement, que s'est-il passé ensuite ? Parce que c'est bien beau de mener une révolution, de prendre le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Oui, ça a été un peu le problème, hein, puisque une fois que les Ukrainiens ont obtenu des changements, une fois qu'ils ont chassé Yanukovych, ils se sont dit bah, le travail est fait, voilà, on a mis une autre équipe au pouvoir, ils vont gérer le pays et tout ira bien. Et puis chacun est rentré chez soi et malheureusement l'élan qui avait été donné par cette révolution s'est vite dilapidé. Cette nouvelle équipe au pouvoir est entrée dans des luttes de clans, dans des luttes d'intérêts, des rivalités. Et puis, elle a vite perdu le pouvoir. Et qui on a vu revenir à ce moment-là? Eh bien, Viktor Yanukovych, qui a été nommé Premier ministre par Yushchenko à l'époque, président Yushchenko. Ah, ça s'est mal fini aussi. Et ça s'est mal fini aussi, puisqu'on est allé vers une nouvelle révolution quelques années plus tard. Justement, en 2013-2014, retour sur Maïdan, sa fameuse place politique de l'agora politique. Donc, nouvelle crise, nouveau soulèvement, mais la répression est guerre jusqu'à l'annexion de la Crimée. On va écouter une archive. Cette fois, la messe semble dite. Vladimir Poutine a donc signé en début d'après-midi avec les nouveaux dirigeants de l'ex-province ukrainienne le traité intégrant la Crimée à la Russie. Juste avant, l'homme fort de Moscou avait pris solennellement la parole devant les deux chambres russes réunies. Chers collègues, la Crimée a toujours été et reste en toute âme et conscience de tous une partie de la Russie. Cette conviction s'est transmise de génération en génération. Le temps, les circonstances n'ont pas pu l'étioler. Les difficultés de notre peuple au cours du XXe siècle n'ont pas pu éteindre cette conviction. Nos relations ont toujours été, le sont et le seront toujours. Ces relations avec le peuple ukrainien seront des relations de frère à frère. Vladimir Poutine qui a promis également d'en rester là et de ne pas scinder l'Ukraine. La différence avec le mouvement de 2004, hein, donc ce deuxième mouvement 2013, c'est qu'en 10 ans, la Russie est devenue plus forte. Oui, exactement, oui, absolument. Et puis, l'Ukraine aussi est devenue plus forte d'une certaine façon, c'est-à-dire ce sentiment d'identité et de ce désir d'émancipation aussi s'est renforcé chez les Ukrainiens. Ouais. Et donc la confrontation a été plus brutale et plus violente, et elle continue encore aujourd'hui. Alors si on peut répondre quasiment par oui ou par non, parce qu'il nous reste 20 secondes, le 17 juillet 2014, un avion de la Malaysia Airlines s'est abattu en Ukraine. Alors je précise, par un missile BUK russe, je précise aussi que le système de tir a été réacheminé en Russie, ça fait quand même quelques indices. Est-ce que ça a un rapport avec nos affaires? On a raconté aujourd'hui, oui ou non, ou si on... De toute façon, on ne sait pas. Mais Je crois que c'est encore un des grands mystères de ces événements. Mais enfin, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, beaucoup de signes conduisent vers la Russie. Et il est à souhaiter. Il y a une enquête internationale qui est en cours. Il est à souhaiter qu'elle aboutisse et qu'elle arrive à la condamnation de ceux qui ont tiré ce missile. Merci infiniment, Alain Guimol. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.